C'est tous les 4 ans. Alors, ça laisse du temps pour se préparer. 4 ans, et c'est tout l'objectif du programme avec Charal. On a commencé très tôt, quasiment au lendemain du précédent Vendée Globe. Et 4 ans pour préparer des machines comme ça, c'est le temps qu'il faut pour construire le bateau, pour le fiabiliser, pour l'avoir en main ensuite au départ. Et puis 4 ans aussi, c'est le temps qu'il faut pour Omara pour récupérer un petit peu du précédent Vendée Globe et puis oublier aussi, repartir frais. Donc voilà, c'est nos Jeux Olympiques à nous, notre Coupe du Monde. Jérémy, tu le disais, tu faisais partie de ceux qui avaient, dès la fin du dernier Vendée, déjà en ligne de mire le prochain. Tu fais aussi partie des rares et des chanceux qui sont, on va le dire, quasiment assurés de participer au prochain en termes de qualification parce que Jérémy a terminé le dernier et en plus il a un nouveau bateau. Est-ce que tu te sens privilégié? Est-ce que c'est beaucoup plus confortable pour toi d'avancer dans le projet avec ce calendrier-là? On est vraiment chanceux parce qu'on était en fin de partenariat avec notre précédent partenaire à la fin du précédent Vendée Globe et puis on a rencontré Charal rapidement, les choses se sont faites rapidement avec des objectifs cohérents, la construction d'un bateau dès la première année et du temps d'entraînement derrière et du temps de modification du bateau et d'optimisation. On est quasiment sûr d'être qualifié, donc ça rend le projet confortable parce que voilà, tous les voyants sont ouverts. Maintenant, voilà, le Vendée Globe, c'est une course à part. C'est quasiment 3 mois de mer. Il y a toujours beaucoup de faits de course. Donc, on peut vraiment pas prédire l'avenir. Et il faut vraiment pas parier sur cette course-là parce que il y a trop de rebondissements et il y aurait beaucoup d'argent à perdre. Mais tout ce qu'on peut faire, en tout cas, pour toutes les équipes, c'est se préparer au mieux et rendre une copie la plus parfaite possible à la veille du départ. Après, la course, ça reste la course et on sait jamais ce qui peut arriver.